Kawet Thériault et Associés, ce Sénat d'Aigrefe de Marcel Leblanc, Daniel Fortin et André Janton profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle ainsi qu'à la population et rappellent d'être prudents en ce temps de réjouissance. Pour tout besoin d'appartage, contactez le 418-2478 ou encore le 275-5151. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Ici Stéphanie Ouellet. En cette période de réjouissance, toute l'équipe de Savard Perron Ouellet Notaire tient à souhaiter à sa fidèle clientèle un joyeux temps des fêtes et une heureuse année. Nous profitons de ce moment pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez année après année dans des moments marquants de votre vie. Au cours de la nouvelle année, les notaires Cathy Savard, Jonathan Perron et moi-même Stéphanie Ouellet se feront un plaisir de vous accueillir dans leur tout nouveau bureau situé dans les condos de Place du Marché Wahlberg. Joyeuses fêtes à tous! On va parler de baseball avec le dossier de l'Empire League Baseball. On a entendu parler dans le temps des fêtes, mais là, on sait qu'on a fait plusieurs entrevues. On a fait une entrevue avec Michel Tifo, on a fait une entrevue avec Éric Bégin, qui est le grand responsable du baseball au Saint-Lac-Saint-Jean. Et là, on va reparler avec Richard Lahaie, parce qu'il a écouté ces deux entrevues-là, puis Richard veut ajouter certaines affaires. Salut, Richard. Bonjour, Danny, ça va bien? Oui, passez des belles fêtes. Oui, très bien, merci, toi. Oui, ça a bien été, ça a bien été. Richard, si on parlait maintenant, tu as écouté les deux entrevues, tu veux revenir là-dessus? Oui, d'abord, dans le jeu, il faut que je dise que j'ai beaucoup aimé celle d'Éric Bégin. Okay. Je pense que le constat qu'Éric fait, là, oui, certaines petites questions, mais pas plus que ça, mais au bout de la ligne, puis c'est prouvé par les années passées que lorsqu'une équipe de sport professionnel dans une localité, on voit automatiquement les jeunes augmenter les inscriptions dans le sport, que ce soit le baseball, le hockey ou autre. Là. Okay. Fait que donc, ça, j'étais content. Du point de vue, Michel, ben il y a un petit désappointement pour être franc, parce que dans le fond, si une équipe arrive là-bas, la seule collaboration qu'on a besoin de la ville qui va accueillir la ligue ou l'équipe, c'est-à-dire, c'est en fait l'utilisation des infrastructures. Okay. Pour le reste, comme disait Michel Laplante, une fois que les choses sont bien faites, je pense que le baseball mineur ne sera pas affecté. Là, on parle surtout des voyageurs, parce que c'est quand même des clientèles très différentes là, pour les deux niveaux du sport. OK. Est-ce que tu es déçu un petit peu de la réaction de Michel? Oui, un peu. Parce que tu sais, quand une nouvelle entreprise arrive dans une région, en principe, je pense que tu dois te montrer ouvert à accueillir ça. Et puis, c'est un business un peu comme un autre, là, dans le fond, qu'on va arriver avec une visibilité pour la ville, qu'on va faire rayonner l'économie locale avec toutes les choses qui vont s'en suivre. Fait que oui, effectivement, là, je pense qu'il y a eu une petite déception là, de ma part de ce côté-là. Mais bon, je me dis, le dossier n'est pas fermé. Puis, là, comme il y a quelqu'un qui a levé la main à Alma, ben on verra à ce moment-là qu'est-ce qui il va te rendre. Pourquoi insister tant sur la région? Tu sais, je me dis, regarde, je comprends pourquoi Québec, je comprends pourquoi Jonquière voulait avoir Jonquière, parce que il y a une proximité avec les capitales de Québec. Ça, je comprends tout ça, mais un coup que Jonquière semble plus ou moins enthousiaste, ben, ça donne quoi de continuer? Parce que je me dis, regarde, vous avez quand même des villes, je pense entre autres à Victoriaville, je pense entre autres à Thetford Mines, où il y a eu du baseball, il y a déjà eu du baseball là-bas, même, je pense qu'il y a un club des expos qui a déjà été affilié à ça. Là, pourquoi pas se tourner vers d'autres régions? Ça va coûter pas mal moins cher de transport. Remarque que je suis bien content, là, tu sais... Je suis pas contre du tout l'idée, là, bien au contraire, parce que ça va donner du sport dans la région, puis il y a même possibilité même de ça, peut-être de collaboration par la suite des choses. Mais je me dis, côté business, là, je me fais l'avocat du diable. Il me semble que vous iriez ailleurs, Victoriaville, ça coûterait pas mal moins cher. C'est prouvé d'abord que ça coûte cher, c'est le transport qui coûte cher. Ben, en fait, la différence n'est pas si grosse que ça, là. Ça, c'est faut mettre ça au clair. La différence n'est pas si grosse que ça. Mais le principal facteur qui fait qu'on insiste pour ce coin-là, c'est qu'au départ, nous, on a regardé les villes qui avaient les infrastructures nécessaires pour accueillir une équipe de cette ligue-là. Alors, Jonquière nous apparaissait un choix naturel, mais là, de fil en aiguille, il y a quelqu'un qui lève la main à Alma. Puis je suis allé voir, puis bon, il y aurait quelques modifications à faire, mais Alma pourrait aussi recevoir une équipe de ces ligues-là. Mais c'est surtout le point, puis je suis d'accord avec toi pour Victor Tedford, là, qui ont déjà eu des équipes dans la Ligue Eastern dans le temps. Mais je pense que le premier critère, là, c'est la volonté d'avoir un homme d'affaires de la région qui va supporter l'équipe financièrement en partant, là. Là, actuellement, mais dans votre coin, là, ben, il y a quelqu'un qui a mis la main. On le connaît, c'est même moi qui vous ai mis en lien les deux. Donc, puis c'est un homme qui semble avoir les poches quand même assez profondes pour faire ce genre de projet-là. Sauf que, tu sais, c'est quand même assez risqué pareil, là, mais ce serait bien, là. Ben moi, j'ai établi le budget, puis le budget qui soit pour Jonquière ou Alma, comme je te dis, il n'y a pas de différence entre les deux là. Oui, il peut y avoir une différence entre établir une équipe à Granby et une autre à Jonquière, du point de vue transport, mais c'est pas si énorme que ça. Okay. Mais lorsqu'on fait le budget, qui est à peu près le quart du budget que la CANAM utilise, moi, je peux difficilement voir comment qu'on pourrait pas réussir, là. Le budget qu'on fait, on arrive même avec un surplus. L'idée, c'est pas de faire de l'argent. C'est d'arriver au moins kiff-kiff. Mais c'est sûr que si on n'arrive pas dans le rouge, c'est encore mieux, là. Puis jusqu'à date, les choses de la façon dont sont planifiées et établies, il y aura pas de problème. OK. Qui est derrière le président de la Ligue? Comment il s'appelle? Parce que c'est que la CANAM, on sait que c'est Myers Wolf. Au niveau de l'Empire League Baseball, c'est qui est en arrière de ça? C'est le président, c'est Eddie Gonzalez, avec qui j'ai justement parlé avant hier. OK, puis lui est enthousiaste, Eddie, semble-t-il, hein? Pardon? Lui est très enthousiaste, semble-t-il, à venir au Saint-Jean. Absolument. Puis les plans de la Ligue aussi, c'est ce qu'il me disait avant hier, c'est d'arriver au maximum de 8 équipes. Parce que dans le fond, c'est une ligue, oui, qui a un statut professionnel qui était accordé, j'imagine, par Baseball America. Je suis au courant par qui au juste. Mais même s'ils ont un statut professionnel, c'est quand même une ligue de développement. Donc, l'idée, c'est de donner la chance à des joueurs non repêchés ou qui ont déjà été repêchés, puis pour x, y raison, n'ont pas pu grimper dans les échelons. C'est de donner la chance à ces gars-là d'éventuellement faire le saut dans la CANAM, puis éventuellement peut-être dans l'Atlantique, puis éventuellement peut-être même retourner dans le baseball affilié. Mm. Alors, dans ces gens-là, lui, comme je disais, il est de Tampa Bay, il est d'origine portoricaine, alors c'est pour ça aussi qu'on retrouve un road team là, qui est composé de joueurs portoricains. Mais il me disait encore là que si jamais il y aura une opportunité que la road team ait un domicile, et peu importe où il sera, il est très ouvert à l'idée, là. Il y a même une équipe à Porto Rico, tu me disais. Oui, c'est en fait, l'équipe est composée de Porto Rico, de Portoricains, puis c'est ce qu'on appelle une équipe itinérante. Donc, ils ne jouent pas de parties locales, ne font jouer que des parties à l'extérieur. Okay. L'année passée, ils ont été à leur première année. Cette année, ils sont de retour. Puis là, le président m'a confirmé avant hier que les deux nouvelles équipes, une dans l'État de New York et l'autre dans l'État du New Hampshire. OK. Donc, c'est très, très intéressant. C'est quoi la prochaine étape maintenant? Bon, maintenant, en fait, moi, je vais rencontrer de mon côté, là, j'ai la personne du Lac-Saint-Jean à rencontrer là, dans un avenir approché. Ouais. On parle de quelques semaines maximum. Il y a une quatrième ville, semble-t-il, qui aurait manifesté. Là, Granby, c'est pratiquement certain qu'il y en aura une équipe. Il y a Saguenay, Alma. Et à Saguenay, ben, je pense qu'avec le manque d'enthousiasme de la ville, on va peut-être un petit peu mettre ça de côté. Puis il y aurait une quatrième ville. Il y aurait une quatrième ville que je peux pas nommer pour l'instant. J'ai eu une première rencontre il y a quelques semaines. Et il y a une deuxième rencontre là, qui est prévue encore là, d'ici une semaine ou deux à peu près. Est-ce qu'elle est mieux positionnée qu'Alma actuellement? Tu peux au moins me dire ça si je ne peux pas la nommer. Es-tu mieux positionnée? Oui. Est-ce qu'elle est en avance sur Alma? Sans être en avance, géographiquement parlant, oui, elle est mieux positionnée. Mais comme je disais, c'est pas le critère numéro un, là. Mmh. OK. Donc là, c'est cahier de charge et ainsi de suite qu'on va faire les prochaines étapes. Absolument. Puis l'autre, juste un autre petit point aussi par rapport aux deux entrevues d'Éric et Michel, là, parce que je pense qu'il y a une affaire commune aussi dans leur crainte, c'était les voltigeurs. Les voyageurs. Croire que c'est deux clientèles différentes. Là. Okay. Et puis c'est le même phénomène qui se passe à Québec et à Trois-Rivières actuellement. C'est que la Ligue Empire, comme la Can-Am, là, on arrive plus avec un événement juste qu'une partie de baseball. Alors, à ce moment-là, nous, dans le marketing, là, c'est les collègues de travail, c'est la famille, c'est des soirées de gang, où ce que, pendant la partie, ben, il y a de l'animation, il y a des jeux, il y a des concours, etc., pour dire qu'on fait un happening, là, de la game de baseball et non juste du baseball. Alors, je pense que c'est deux clientèles différentes, puis on le voit, de par l'expérience, là, de Québec et de Trois-Rivières, que les foules en junior, là, sont à peine affectées. Les prix des billets, ça ressemble à quoi? Une entrée générale actuellement, faut faire la jonction là, de l'échange d'argent, mais on parle de 8$ là. OK. Alors qu'un un billet de saison, je pense que ça revient aux alentours de même pas 6$ du billet lorsque tu calcules ça, parce que dans le fond, on parle de 25 parties locales. Oui, effectivement. Bien, on va suivre le dossier d'après, Richard. Très, très intéressant comme projet. C'est sûr que c'est décevant un petit peu que la ville de Saguenay se montre peu enthousiaste à l'idée de... Mais en tout cas, il y a Alma. Comme je t'ai dit, j'ai des beaucoup, beaucoup de réserves. Pas parce que je crois pas au projet, c'est parce que c'est très dispendieux, une équipe en région. Puis c'est encore beaucoup plus dispendieux. Puis en tout cas, c'est ça qui risque de freiner les ardeurs. Mais on va suivre le dossier de près quand même. Absolument, Danny, je te remercie beaucoup. Voilà, Richard Lahaye, qui est le promoteur d'amener une équipe de l'Empire League Baseball dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean.